Chapitre 23e, les messieurs Banks. Le lundi matin, une troupe de jeunes ouvrières entrait chez Charlotte Mathis. Elles étaient en vacances suivant leur habitude du lundi. Charlotte était leur favorite malgré les mercuriales qu'elle ne manquait pas de leur adresser. La cuisine de Charlotte était toujours propre et tranquille, égayée par un bon feu, et Charlotte travaillait sans se laisser déranger par ses jeunes amies. Elle était faiseuse, c'est-à-dire qu'elle cousait ensemble les deux morceaux de peau destinés à former les doigts des gants. Ceux auxquels elle travaillait en ce moment étaient d'un vert foncé appelé corbeau et cousus de soie blanche. Ses points étaient aussi réguliers que ceux d'une machine. La soie et le gant, pareil à celui qu'elle faisait, étaient soigneusement enveloppés dans un mouchoir blanc plié sur ses genoux. D'autres gants, également bien couverts, attendaient à côté d'elle dans une corbeille. Les jeunes filles étaient entrées bruyamment, les joues rouges et les yeux animés. Quelque chose de nouveau les préoccupait évidemment. Betsy Cartier avait, si vous vous en souvenez, annoncé à sa mère qu'il allait y avoir une réunion à l'Alhambra, et c'était là le grand sujet en question. Les jardins de l'Alhambra, malgré leur nom pompeux, n'avaient rien de bien fameux. Ils appartenaient à une auberge située à un quart de lieue de la ville et servaient souvent en été de but de promenade à plus d'une société choisie de Helstonleigh. Une grande et belle jeune fille de 18 ans avait rapproché sa chaise de celle de Charlotte, c'était la sœur de Mark Mason chez qui elle demeurait. Quoiqu'elle gagnât de quoi subvenir à ses besoins, elle devait constamment sa pension, aussi Mme Mason et elle avaient-elles grand-peine à s'accorder. Elle portait ce jour-là un châle neuf et un chapeau de paille garni de rubans bleus, et ses cheveux bruns tombaient en boucle, suivant la coutume du temps, autour de ses joues fraîches. Deux autres jeunes filles, Amélie et Marianne Cross, s'étaient juchées sur une table, les autres s'étaient assises comme elles avaient pu. « Comment ? Caroline a encore du nouveau ?» s'écria Charlotte en montrant le châle. Caroline Mason se mit à rire. « N'est-ce pas qu'il est beau ? » demanda-t-elle. Charlotte le palpa. « Il doit avoir coûté au moins 25 francs. Est-il payé ?» Caroline se mit encore à rire. « Ne t'en inquiète pas, Charlotte. On ne te le fera pas payer. C'est ce que j'ai répondu hier à ma belle-sœur. « Tu n'en avais pas besoin, Caroline, et je suis sûr que tu n'as pas eu de quoi le payer. Ton manteau d'hier était encore bien bon. C'est un bien mauvais système que d'acheter ainsi à crédit. Je voudrais que ces Banks ne fussent jamais venus par ici. » « Ne dites rien contre les Banks, Charlotte, » interrompit Elisa Tyrett, jeune fille à l'expression vulgaire et hardie. « Nous ne nous en tirerions pas du tout sans eux. »« Vous vous en tireriez beaucoup mieux, » répliqua Charlotte. « Combien te demande-t-il pour ce châle, Caroline ?» Caroline et Elisa échangèrent des regards d'intelligence. « Oh, 25 francs, ou à peu près, » répondit Caroline. « N'est-ce pas, Elisa ?» Elisa éclata de rire. Caroline en fit autant. Charlotte n'insista plus, mais elle continua à parler contre les Banks, ainsi qu'elle le faisait souvent. Une année auparavant, des étrangers du nom de Banks avaient ouvert, dans une rue écartée de Helstonleigh, une boutique d'étoffes et de bijouterie. Ils faisaient des affaires à crédit et allaient, comme les colporteurs, offrir leurs marchandises de maison en maison. Chaque lundi, l'un d'eux arrivait à Hanefer, sa balle sur le dos, et les bonnets, les châles, les robes, la flanelle, la bijouterie s'offraient à l'envi de toutes les ouvrières. Mais l'âme de Paris qui me lisait, que feriez-vous si les propriétaires des magasins du Louvre, du Petit Saint-Thomas, du Bon Marché, vous apportaient leurs marchandises toutes les semaines, les étalaient sur la table de votre salle à manger, sous vos yeux pleins d'envie, et vous disaient « Choisissez, madame, vous ne paierez à votre convenance. » Je ne veux rien insinuer, mais je comprendrai bien que vous vous laissiez aller à la tentation. Tout comme les femmes de Hanefer, qui passent les trois quarts de leur existence à empêcher leur conduite et leur dette d'arriver à la connaissance de leur mari. « Payez-nous tant par semaine, » disaient les messieurs Banks, et les femmes le faisaient. Il leur semblait ainsi avoir une Europe pour rien. Mais Banks ne manquait pas de venir toutes les semaines faire ses réclamations. Et je vous laisse à penser combien ces paiements hebdomadaires faisaient le tort aux gages. Charlotte Mathis et quelques autres s'élevaient bien contre ce système, mais sans produire d'impression, la tentation était trop forte. Charlotte supposait que c'était de la sorte que Caroline Mason avait acheté son châle, mais elle se trompait. « Charlotte, nous allons chez Banks. Il y a plus de choix dans sa boutique que dans la salle. Tu as entendu parler de l'Alhambra. C'est lundi prochain qu'a lieu la soirée. Et nous sommes venus te demander ce que nous devrions mettre. Qu'est-ce que tu nous conseilles d'acheter ?»« N'achetez rien, » répondit Charlotte. « N'allez ni chez Banks, ni à l'Alhambra. » Toute la compagnie stupéfaite ouvrit de grands yeux. ne pas aller à la réunion, s'écria la vive Amélie Cross. Et après, Charlotte. Je vous avais bien prédit ce qui arriverait si vous veniez chez Charlotte, dit Elisa Tyrrell en ricanant. Je ne suis pas contre les plaisirs, quoique je n'en profite guère moi-même, dit Charlotte, mais il me semble qu'une soirée à la Lamora n'est pas convenable. Les jeunes filles ouvraient toujours de plus grands yeux. « Comment, Charlotte? Quel mal veux-tu qu'il nous arrive? Nous pouvons bien prendre soin de nous. Ce n'est pas cela. Mais il me semble que vous allez au cabaret, et après tout, la Lamora n'est pas autre chose. Ce n'est pas comme lorsque nous y allons prendre le thé dans la belle saison. Si vous y allez, vous vous endetterez toujours plus, et vous vous attirerez de l'ennui. Ma belle-sœur dit que tu es terriblement grognon, Charlotte, et elle a bien raison, » cria Caroline avec gaieté. « Charlotte, c'est parfaitement inutile ce que tu nous contes là, » fit Marianne Cross avec vivacité. « Nous irons à la soirée et nous achèterons de nouvelles robes. Les bagues sont de la jolie étoffe quadrillée verte et rouge. Moi et Amélie, nous voulons en acheter, avec un nœud rouge par devant et un col blanc. Oh, mais nous serons superbes. Ils nous en font 12 mètres à 2 francs. Marianne, ce serait une folie. Tu oublies la façon, la bordure, le ruban. Tu en auras bien pour 30aine de francs, je t'en prie, ne le fais pas. » Comme tu calcules, Charlotte, nous payerons par petites sommes chaque semaine, nous avons du temps devant nous. Qu'en dira votre père, Charlotte? Veux-tu bien ne pas parler du père? Dit Amélie en baissant la voix. Tu sais bien que nous ne lui parlons pas des Banks. Charlotte aurait pu s'adresser aux quatre murs avec autant de succès. Les jeunes filles tenaient à leur soirée et aux jolies choses nécessaires à compléter leur toilette. Quelques minutes après, elles la quittèrent pour se rendre chez les Banks. Charlotte rentra le soir même d'une commission dans la ville quand elle rencontra Adam Robinson. Il était au-dessus de la classe ordinaire des ouvriers. « Oh, est-ce vous, Charlotte ? » s'écria-t-il en l'arrêtant. « Dites donc, comment se fait-il que vous n'ayez jamais un mot à me dire maintenant ?»« Je vous ai dit pourquoi, Adam, » répondit-elle. « Vous m'avez dit un tas de bêtises, Charlotte. Je ne voudrais pas vous perdre quand on me ferait roi d'Angleterre. Une fois que nous serons mariés, vous verrez comme je serai rangé. » Je ne mettrai pas le pied au cabaret. Il y a 10 mois que vous me l'avez promis, Adam, répondit-elle tristement. Et si l'obscurité l'avait permis, il aurait vu qu'elle était troublée et agitée. Mais quel mal cela peut-il faire d'aller boire un verre et fumer une pipe après avoir fini son ouvrage? Tout le monde le fait. Tout le monde ne le fait pas. Mais je ne veux pas discuter. Cela, nous nous avançons rien. La moitié des misères de Hanefer proviennent de ce que les gages se dépensent au cabaret. Je sais que vous allez me répondre que les femmes y sont pour beaucoup, c'est vrai. Je ne crois pas que les gens viennent sur cette terre pour vivre dans les querelles, le désordre et, je puis bien ajouter, le péché. Un ménage pareil ne sera jamais le mien. Dieu du ciel, Charlotte, comme vous parlez sérieusement. Le sujet est très sérieux. Je veux vivre pour faire mon devoir et être en paix avec ma conscience et mes alentours. Une femme abattue, découragée, ne le pourrait pas, et quand le mari boit, elle ne peut être autrement. « Adam, vous savez que ce n'est pas de gaieté de cœur que je renonce à vous, mais j'y suis forcé. »« Comment pouvez-vous avoir le courage de me dire pareille chose à moi ? » s'écria-t-il. « Je ne nie pas que ce ne soit pénible, » dit-elle faiblement, en cachant avec difficulté son émotion. « Il y a bien des semaines que le devoir et moi nous luttons, mais le devoir a gagné le dessus maintenant, je le savais depuis. »« Au diable le devoir !» interrompit Adam. « Je ne vous reconnais plus du tout, Charlotte. »« Ce n'est pas ma faute, Adam. » Nous ne nous accorderions pas, je le vois. Adieu. Nous pourrons être amis à l'avenir, rien de plus. » Elle lui tendit la main, mais Adam se détourna sans la prendre et se dirigea vers Elson Leigh. Charlotte rentra chez elle en pleurant.